24 du 7, activation, compréhension auditive, le plus que parfait. Vous allez entendre une série de phrases au passé. Pour chaque phrase, déterminez s'il s'agit d'un passé composé ou d'un plus que parfait et cochez la case appropriée. 1. Robert a retrouvé Mireille chez les Courtois. 2. Il avait fait ses connaissances l'avant-veille. 3. Ils avaient parlé ensemble à la closerie des Lilas. 4. Madame Courtois a invité Mireille à dîner. 5. Elle n'avait pas vu sa filleule depuis des mois. 6. Mireille avait téléphoné la veille. 7. Chez les Courtois, Robert et Mireille ont fait semblant de ne pas se connaître. 8. La rencontre de mercredi est toujours restée ignorée des Courtois.